j'arrête. Demain j'arrête. Après demain je roule un gros pet. Faut que je me mette en fumette. Ou je risquerai d'arracher tes têtes. Mais c'était pas fait pour moi. Quand tu parles je connais tes disquettes. Laisse-moi respirer ce soir. Je suis d'humeur à faire la fête. Demain j'arrête. Après demain je roule un gros pet. Faut que je me mette en fumette. Ou je risquerai d'arracher des têtes. Mais c'était pas fait pour moi. Quand tu parles je connais tes disquettes. J'arrête, demain j'arrête, si je veux j'arrête.